1957 avec la mise en orbite du premier satellite artificiel, Spoutnik, une nouvelle ère s'ouvrait, celle de l'exploration spatiale. Depuis, des hommes ont marché sur la Lune, des sondes ont rendu visite à chacune des planètes de notre système solaire et des télescopes toujours plus puissants nous ont permis d'entrevoir des objets célestes bien plus lointains comme des trous noirs ou des pulsars. Cet après-midi, nous allons revenir sur quelques-unes des plus belles réussites de l'exploration spatiale, réalisées en un peu plus de 60 ans avec pour guide l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche au CNRS. Il nous a conté l'été dernier dans la matinale de France Inter l'histoire et les objectifs de cette grande épopée. On peut désormais retrouver ses chroniques de l'espace dans un ouvrage coédité par France Inter et Cherche Midi. Et nous sommes ravis de repartir avec lui pour un voyage cosmique au plan de vol chargé puisque nous allons passer par la Lune, les différentes planètes de notre système solaire et bien au-delà, nous irons jusqu'au trou noir et autres hypothétiques trous de ver. Et en fin d'émission, nous nous intéresserons aux problèmes que peuvent rencontrer les ados et à la meilleure façon de les aider à les surmonter avec le psychiatre David Gourion. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Mais pourquoi la Lune ? Se demandent certains. Pourquoi la choisir comme notre objectif ? Mais ils pourraient aussi demander... Pourquoi gravir la plus haute montagne? Pourquoi voler au-dessus de l'Atlantique il y a 35 ans? Pourquoi l'équipe de Rice affronte celle du Texas? Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune. Bonjour Jean-Pierre Luminet. Bonjour. On entendait à l'instant ce discours du président Kennedy en 1962, un an après avoir lancé le programme Apollo officiellement. Mais cette envie d'aller sur la Lune et plus généralement de voyage dans l'espace est bien plus ancienne. On s'en rencontre en bien vous sûr, lisant. Oui. Alors le discours de Kennedy, on le sait, c'est évidemment une riposte politique aux Russes qui les avaient devancés, bien entendu, à la fois avec évidemment le premier Spoutnik, le premier engin, puis après évidemment Gagarine, hein, le premier homme dans l'espace. C'était un choc terrible pour les... Une blessure narcissique pour les Américains. Donc, effectivement, Kennedy a lancé ce programme extraordinaire, le programme Apollo. Mais bien au-delà, effectivement, l'homme rêve depuis toujours d'aller dans l'espace. Donc, mes premières chroniques de l'ouvrage racontent un petit peu ce rêve cosmique de l'homme, ce qui commence avec Icare, évidemment, qui fabrique des ailes. Et puis, bon, après, tout au long de l'histoire, de la littérature, de la poésie, il y a des utopies qui imaginent l'homme aller dans l'espace. Déjà dans l'Antiquité, on trouve des écrits de Grecs qui ont écrit des voyages dans la Lune et puis voyager au-delà. C'est vrai qu'évidemment, dans les temps anciens, on ne savait pas que l'univers était aussi vaste ce qu'il est aujourd'hui. Oui, alors, avec tout de même certains qui ont des tentatives assez audacieuses, vous parlez de ce Chinois Wang Hu qui, en 1500, tente de rejoindre l'espace, mais à sa manière. Oui, alors on ne sait pas si le récit est totalement authentique ou une petite part de légende, parce que ça remonte quand même à des siècles lointains. Mais donc, oui, cet érudit chinois, c'est à l'époque où les Chinois avaient développé les fusées, non pas pour aller dans l'espace, mais pour en faire des feux d'artifice, ce genre de choses. Là, il s'est dit, mais puisqu'on a un moyen de propulsion, il aurait fait équiper une sorte de grand fauteuil d'un ensemble de je ne sais plus combien, 47 fusées, qu'il aurait allumé pour aller dans l'espace. Et évidemment, ça s'est très mal passé pour lui. Ouais, il en est mort de cette tentative. Assez naïve, mais finalement, on se dit, on vit une époque de ce point de vue assez formidable, c'est-à-dire qu'au cours des 60 dernières années, on a accès à l'espace alors que c'est un rêve qui taraude l'humanité depuis des centaines d'années, voire des millénaires. Oui, c'est l'époque des missions Apollo, ce qui a commencé d'abord effectivement avec le programme russe. Ça marque une étape capitale, je pense, dans l'histoire de l'humanité, dans son rapport à l'espace. Je voudrais dire, c'est qu'en fait, parler de l'espace, et puis parler de l'univers encore plus vaste, c'est parler de nous-mêmes, c'est parler de l'homme. L'homme fait partie d'une vaste maison avec des pièces nombreuses, des étages différents. La maison, c'est l'univers, évidemment. Alors les étages proches, c'est l'atmosphère terrestre, et puis après, un peu plus lointain, c'est la Lune, et puis après, c'est le système solaire, puis les étages extrêmement lointains, ben c'est le très vaste univers, les étoiles, les galaxies, les trous noirs. Et donc, connaître sa maison, connaître tous les recoins, y compris les recoins qui paraissent très mystérieux, parfois même inquiétants, sombres, les trous noirs, l'énergie noire, ce genre de choses, ça peut être inquiétant, c'est mieux nous situer dans cette vaste maison. Alors on a commencé par commencer à explorer effectivement les étages proches. Et le 21 juillet 1969, on atteignait une des pièces les plus proches de cette grande maison. saison, les États-Unis avaient enfin leur revanche sur les Russes. Ils étaient cette fois les premiers et leur réussite s'affichait sur les télévisions du monde entier en direct. Armstrong vient de procéder à la dernière vérification du circuit télévisuel. Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran. La sortie du LEM, c'est le début de l'échelle. Il descend dans l'embase du LEM. Le plus important maintenant, et la grande crainte que l'on avait ici à Houston, c'était que l'astronaute qui sort du LEM tombe. Jacques Salbert, maintenant, nous écoutons Armstrong. Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong. Voici le premier. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Neil Armstrong, premier homme à marcher sur la Lune. Vous avez vu, vous, Jean-Pierre Luminet, ces images en direct? Alors, au risque de décevoir mes auditeurs, j'ai raté le direct. Oui. Alors, à l'époque, j'avais 18 ans. Je me souviens, évidemment, c'était au mois de juillet. J'étais tout seul dans ma maison de vacances. Enfin, non, dans ma maison familiale. Mes parents étaient partis en vacances. Et moi, je profitais de cette époque-là pour écrire. Moi, j'étais passionné d'écriture. J'avais pas encore ma vocation d'astrophysicien. C'est-à-dire, je m'intéressais au ciel, mais parmi des milliers d'autres choses. Dans l'époque, j'écrivais des romans de science-fiction en littérature. Voilà, donc je restais jour et nuit à écrire. Et j'ai pas allumé le poste de télévision la nuit. Après c'est le lendemain évidemment quand j'ai appris que ça s'était passé. Ça a été fait. Alors je regrette un petit peu a posteriori. Ah oui, c'est sûr, rétroactivement. Oui. Mais rendez-vous loupé là. Rendez-vous loupé. Alors, je me suis rattrapé par la suite. Même. Quelles avancées scientifiques ont permis les missions Apollo sur la Lune au-delà de l'exploit? Oui, au-delà de l'exploit, parce que tout de même il faut bien rappeler que l'enjeu militaire n'était pas un enjeu scientifique. Ouais. Effectivement, c'était la rivalité géopolitique entre les deux puissances de l'époque. Mais il y a eu, évidemment, des retombées scientifiques. Par exemple, les retours d'échantillons de roches lunaires, environ 350 kg qui ont été ramenés sur Terre et qui ont été analysés dans un laboratoire, notamment un laboratoire qui a été construit spécialement à Houston, au Texas, ont permis, de mieux comprendre l'origine de la Lune, la façon dont elle s'était formée. On pensait précédemment que la Lune s'était formée, grosso modo, comme les autres planète par agglomération progressive de poussière, de petits grains, de rochers. Et puis, grâce à ce retour d'échantillons, il y a d'autres missions lunaires qui ont suivi. On s'est aperçu que la Lune avait dû se former différemment parce qu'elle n'avait pas de champ magnétique, elle n'avait pas de cœur de fer et de nickel. Voilà. Et donc, ont émergé d'autres scénarios de formation de la Lune, notamment le scénario de la collision entre la jeune Terre et encore extraterrestre vagabond qui aurait arraché une partie de l'écorce terrestre et les débris se seraient réamalgamer pour former notre Lune. Je dirais que peut-être surtout, alors ça c'est le côté un petit peu connaissance astronomique, astrophysique, de l'astre qui est le plus proche de nous, mais ça a été surtout l'occasion de commencer à comprendre la physiologie de l'homme dans l'espace et de réaliser à quel point l'espace est hostile, le nombre de précautions extraordinaires qu'il faut prendre dès que l'homme va dans l'espace. Les premiers astronautes, que ce soit les cosmonautes russes ou les astronautes américains qui sont allés dans l'espace, n'étaient pas si bien protégés que cela. Et ils ont raconté que dans leur premier voyage, ils avaient des petits éclairs dans les yeux. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et en fait, on a compris que c'était ce qu'on appelle des rayons cosmiques, qui sont des particules de haute énergie très dangereuses. Sur Terre, on est protégé par l'atmosphère terrestre, mais dès qu'on sort de l'atmosphère terrestre, on est dans une averse de rayons cosmiques, et ces rayons cosmiques sont très pénétrants, et ils en recevaient quelques-uns dans l'œil, et ça détruisait des cellules de la rétine. Donc depuis, on a compris ça, et donc ils sont beaucoup mieux protégés des rayons cosmiques. C'est un problème majeur, quand on pense maintenant au futur voyage plus lointain sur Mars, où ce ne sera pas 7 jours, mais 18 mois, par exemple, dans l'espace, il faudra être incroyablement protégé des rayons cosmiques. Parlons-en de ces hypothétiques futurs voyages, puisque juste après le premier pas de Neil Armstrong, ce bond géant, on imaginait que la suite allait se dérouler rapidement, très vite. On va aller sur Mars. C'est ça, la prochaine étape, c'était Mars. Alors qu'en fait, la Lune, les programmes Apollo, ça a été jusqu'à Apollo 17, en 1972, donc 3 ans après ça le premier arrêté, pas, ça s'arrête, et puis après, plus rien. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une raison purement politique, c'est l'époque, déjà, en cours des missions Apollo, même avant 72, il y a la guerre de Vietnam. Voilà. Donc, une grosse partie des budgets américains passe dans ce budget énorme de la guerre. Et puis une fois qu'est également ce rêve d'aller sur la Lune, L'enthousiasme est assez vite retombé. Vous savez, le public est relativement versatile. Hein, ouais. On leur offre quelque chose, et puis une fois que c'est fait, bon, après on passe à autre chose. On leur décroche la lune, trois ans après, c'est fini. Et je sais trop bien, bon, à l'époque, le responsable de la NASA commençait aussi à recevoir de nombreux courriers. Ça coûte cher tout ça, pourquoi aller sur la Lune? Et maintenant, vous pensez aller sur Mars alors que il y a des problèmes dans le monde, il y a la faim dans le monde, il y a ceci, il y a cela, la surpopulation. Qu'est-ce que vous faites pour régler ces problèmes-là? Évidemment, c'est mal comprendre le rapport étroit qu'il y a, mais pas évident, a priori, entre toutes les retombées extraordinaires de l'exploration spatiale, tout ce que ça permet de comprendre, toutes les technologies que ça permet de développer et qui après se retrouvent dans la vie de tous les jours. Mais l'une des raisons pour lesquelles effectivement le programme a été arrêté, c'est à la fois donc une baisse d'intérêt du public qui se répercute après évidemment dans les décisions de financement par le Congrès américain, genre, et puis essentiellement voilà, le coût de ces missions. Donc si aujourd'hui, si un peu plus de 50 ans après, 51 ans maintenant, on n'arrive pas à y retourner, c'est pas une histoire de technologie, c'est une histoire de budget. Oui, alors, il y a eu aussi une sorte d'expertise qui a été un petit peu perdue à l'époque. On appelait les gens qui s'occupaient de tout ça à la NASA, on les appelait les sorciers de la NASA pour bien préparer les astronautes, ce genre de choses. Bon, évidemment, il serait pas très compliqué de retrouver ce savoir-faire. Donc oui, et ce sont toujours des questions, quelles sont les priorités scientifiques? Voilà. Il y a eu d'autres priorités qui ont été choisies. Par exemple, les Russes. Puisqu'ils étaient dans la course, et qu'ils étaient dans la course à la Lune aussi, hein. Donc ils ont réussi, c'est eux qui ont été les premiers pour la course d'abord au Spoutnik, le premier satellite, et puis la course au premier homme. Après, ils n'ont pas réussi pour la course à la Lune. Et très intelligemment, ils ont dit, ben, notre objectif, c'est de développer, on va étudier maintenant, justement, en vue peut-être de voyages futurs plus lointains vers Mars, comment l'homme peut vivre longtemps dans l'espace, pas 7 jours mais plusieurs mois. Et donc ils ont construit les premières stations spatiales, la station Mir, et ils ont commencé à expérimenter sur la physiologie, et ça c'était absolument fondamental, sur la physiologie de l'être humain dans l'espace en impesanteur, avec tous les problèmes qui se posent à la fois à la physique, à la décalcification, tout l'ensemble de choses, la perte de la masse musculaire, et puis également les problèmes psychologiques, puisqu'ils sont allés jusqu'à, c'est Polyakov qui a fait passer, je sais pas, 687 jours dans l'espace, c'est absolument extraordinaire, voilà, mais ça préparait effectivement les futurs voyages. Donc ça a été objectifs. Du côté des Américains, eux, ils ont développé la navette spatiale. Et donc, ce n'était plus que des voyages, ce qu'on appelle suborbitaux. On reste autour de la Terre et on expérimente, on étudie comment ça se passe. Ouais. Mais alors, le voyage, le vol habité vers Mars, pour vous, c'est une chimère? C'est pour bientôt? Comment vous envisagez ça? Non, ce n'est pas une chimère, cela se fera. Ce qui est une chimère, c'est de dire que ça se fera en 2024, en envoyant des êtres humains, évidemment. C'est ça, comme oui. Certains l'ont dit. Comme oui, Elon Musk se fait de la publicité, il essaie de réunir des budgets, évidemment. Mais ça se fera, à mon avis, pas avant la deuxième moitié du siècle avec des vols habités. Les premiers vols sur Mars se feront avant, bien entendu, mais ce seront des vols automatiques, des robots. Il y aura des retours d'échantillons de roches martiennes. Et là, à nouveau, on retrouve un petit peu comme dans les années 50-60, à nouveau également un enjeu qui se rajoute au-delà de l'enjeu scientifique, c'est un enjeu géopolitique, c'est la Chine. On peut dire qu'elle est déjà la deuxième puissance spatiale mondiale. Et à mon avis, assez rapidement, elle va devenir la première. C'est probablement la Chine qui enverra le prochain homme sur la Lune, un taïkonaute, comme on les appelle en Chine. Ça, c'est probablement pour les moins de 10 années à venir, qui commencera à installer des bases lunaires, qui fera des retours d'échantillons de roches martiennes, très probablement. Nous allons poursuivre notre exploration spatiale avec vous, Jean-Pierre Luminet. Nous survolerons quelques autres planètes de notre système solaire, puis nous nous propulserons bien plus loin dans l'espace interstellaire, à la découverte notamment des trous noirs. On a encore un bon bout de chemin à faire avec vous. Combien y a-t-il de sortes d'astres? Il y a les étoiles, les planètes et les satellites. Très bien, satellites. France Inter. La planète, dont Pierrot a oublié le nom, mais qu'il a fort bien décrit, s'appelle une comète. Du vent dans les synapses. Et quelle différence y a-t-il entre une étoile et une comète? Les étoiles ont des points. Les étoiles ont des points. Oui, enfin, si l'on veut. Daniel Fievé. C'était Police, Walking on the Moon. France Inter. Du vent dans les synapses. On va peut-être enfin percer les mystères de Vénus, pas celle de Milo, l'autre, celle de tout là-haut. La sonde soviétique, baptisée justement Vénus 13, a réussi sa mission. Elle a pu poser sur le sol de la planète un module bourré d'instruments scientifiques, le tout, Michel Forgit, après un petit voyage de 300 millions de kilomètres. C'est un grand voyage. Vénéra 13 s'est mise en orbite autour de Vénus et à un instant choisi à l'avance, une petite capsule s'est détachée pour affronter l'enfer vénusien et se poser en douceur sur le sol de la planète. La vitesse, qui était d'abord de 10 km par seconde, a été ralentie par frottement sur l'atmosphère. Puis un parachute a conduit la capsule jusqu'au sol. La température était alors de 450 degrés et la pression de 90 kg par centimètre carré, 90 fois la pression qui règne à la surface de la Terre. Nous étions en 1982 sur France Inter déjà et nous voilà donc arrivés sur Vénus, la deuxième planète du système solaire en partant du Soleil. Je suis toujours en compagnie de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet qui publie ses chroniques de l'espace, une coédition Cherche Midi France Inter. Vénus, c'est la planète la plus proche de nous. Elle a été visitée assez tôt dans l'histoire de l'exploration spatiale. Oui, justement, parce que c'était la plus proche. Alors dès lors que l'on a eu les moyens techniques d'atteindre ce qu'on appelle la vitesse de libération, 11 km par seconde, qui permet effectivement d'échapper à l'attraction terrestre, bah, une fois qu'on était allé sur la Lune, après l'enjeu était plus scientifique, c'est-à-dire explorer notre système solaire. Alors le système solaire, je rappelle, autour du Soleil, vous avez essentiellement trois grandes familles de corps. Vous avez les planètes, vous avez des plus petits corps qu'on appelle des astéroïdes et vous avez des objets vagabonds qu'on appelle des comètes. Chacune de ces familles présente des intérêts différents et absolument majeurs. Donc toutes ces familles de corps ont été explorées par des sondes spatiales. La première est explorée, c'est le corps le plus proche, donc c'est effectivement Vénus. On a relativement vite déchanté parce qu'effectivement, comme ça a été dit, on s'est aperçu que c'était un enfer torride, il fait 450 degrés sur Vénus. La sonde qui s'est posée, elle a fondu au bout de quelques minutes. Mais ça, on s'en doutait pas avant d'y aller, on se doutait pas que ce serait un tel enfer. On se doutait pas qu'il faisait si chaud. En fait, il y a un effet de serre. Pourquoi il fait si chaud? Pas parce que Vénus c'est près du Soleil. C'est effectivement un peu plus près du Soleil que la Terre. C'est parce qu'il y a un effet de serre gigantesque. Et donc, on s'est aperçu que Vénus était couverte. On le voyait au télescope, qu'on voyait, on n'accédait pas à la surface. Il y avait une atmosphère, mais on se doutait pas à quel point cette atmosphère représentait un manteau si épais, un véritable linceul sous lequel la Vénus est enfouie et torride et chauffée. La chaleur ne s'évacue jamais. Donc, ça a été difficile. Donc, il y a eu quelques sondes. Voilà. Et plus tard, il a fallu attendre d'autres sondes un peu plus résistantes et quelques robots qui ont subsisté un peu plus longtemps pour commencer à prendre des clichés. Et on a aujourd'hui des paysages vénusiens. Ouais. Alors, il ne fait pas seulement chaud, hein, parce que la pression est écrasante, oui, des pluies d'acide sulfurique. Oui, absolument. Oui, oui. Et bien, probablement aussi des volcans en activité, des coulées de lave. Mais finalement, Vénus, elle est assez difficile à explorer. Alors, il y a les autres, planètes. Il y a Mercure qui est encore plus près du Soleil. Ouais. Elle a été relativement peu explorée. Mercure tourne toujours la même face au Soleil. Ouais. De même que la Lune tourne toujours la même face. Mais Mercure est très près du Soleil. Ça veut dire que sur une face, la face éclairée, il fait 500 degrés, tout le temps. L'autre face, elle est toujours dans l'obscurité. Ouais. Il doit faire moins 150 degrés. Ouais. Donc, on imagine la transition. Le chaud et froid. Le chaud et froid. Ouais. Bon, là, donc c'est un petit peu compliqué d'aller sur Mercure. Donc après Vénus, il y a Mars, évidemment. Et Mars a immédiatement intéressé à la fois par sa proximité, puis surtout, évidemment, par le rêve d'y découvrir éventuellement une vie fossile, puisque Mars c'est l'un des seuls candidats en tout cas que l'on imaginait à l'époque. Et à l'époque on s'est dit Mars est peut-être la seule planète du système solaire sur laquelle il a pu y avoir de la vie, puisque on a rapidement repéré avec les explorations martiennes qu'il y avait des traces d'eau liquide qui avait coulé sur Mars. Et donc à partir du moment où il y a eu de l'eau liquide dans le passé martien, on s'est dit il y a eu peut-être des formes de vie primitives et la vie se serait arrêtée. Donc on va explorer Mars pour en trouver éventuellement des bactéries fossiles. Mais ça veut dire que dans un passé assez lointain, Mars a été une planète bleue semblable à notre planète à Alors, semblable, exactement, on sait pas trop, mais en tout cas, elle est née dans les mêmes conditions, avec les mêmes processus que la Terre. Ça s'est passé il y a 4 milliards et demi d'années. Et donc, la jeune Terre et la jeune Mars étaient relativement semblables. C'est-à-dire, Mars avait effectivement, comme la jeune Terre, une atmosphère, des océans, de l'eau à l'état liquide. Voilà. Alors après, quand on s'interroge sur la vie, on n'a pas de bonne définition de la vie, mais si on pense que la vie est le résultat, somme toute, logique, de conditions physiques et chimiques favorables, faisant intervenir la chimie du complexe, qui est la chimie du carbone, de l'eau à l'état liquide et une source d'énergie, ces conditions étant réunies sur Mars dans ses premières années, tout comme sur Terre, pourquoi il n'y aurait pas eu justement les bactéries martiennes à l'époque où les bactéries sont apparues sur Terre? Après, les destins ont bifurqué, Mars a perdu son atmosphère, a été soufflé par le vent solaire, parce que la gravité martienne est trop faible, et donc il fait maintenant à peu près moins 60 degrés sur Mars, donc c'est plus très propice. Donc l'idée, c'est qu'il y pourrait subsister donc des fossiles, des bactéries fossiles. Et ça, il y a un enjeu derrière capital, c'est la vieille question, sommes-nous seuls dans l'univers? Il suffit de trouver un seul exemple d'une forme de vie extraterrestre, aussi simple soit-elle, et même si elle est fossilisée depuis des milliards d'années, pour valider ce pari que la vie est le résultat de conditions physiques et chimiques. Donc il y a un enjeu métaphysique et également philosophique derrière, capital, de trouver éventuellement une bactérie martienne. Mais rien n'est garanti. Autrement dit, si on trouve une forme de vie même très ancienne sur Mars, ça veut dire que la vie pullule partout dans l'univers. Exactement. Voilà. La vie, c'est soit un sur Terre, on a du mal à l'y croire quand on est astrophysicien, parce qu'on sait qu'il y a 1 million de milliards de planètes dans l'univers. Mais bon, c'est soit un, soit des millions. Est-ce qu'il y a encore une chance de trouver une forme de vie qui ne soit pas à l'état fossile, c'est-à-dire une forme de vie encore vivante? Oui, alors là, il faut aller plus loin, et ça, ce sont des résultats récents qui n'étaient pas du tout attendus à l'époque. Dans les années 60-70, il a fallu commencer avec les fameuses sondes Voyager, c'est-à-dire explorer ce qu'on appelle les géantes gazeuses. Puisque donc, à partir de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, on n'a plus du tout des planètes de type terrestre, tellurique, à surface solide, on a des gigantesques boules de gaz froid, de l'hydrogène. On ne va pas chercher de la vie dessus, bien entendu. Ça a été exploré, on a des clichés magnifiques. Mais elles sont entourées de satellites naturels qui sont des satellites rocheux et glacés. Et on a commencé à comprendre que beaucoup de ces satellites glacés, recouverts de banquises, ils pouvaient avoir des océans subglaciaires, à l'abri, évidemment, de l'espace extrêmement froid dehors. Donc là, ils ont un cœur chaud. Donc, par exemple, vous avez un satellite de Jupiter qui s'appelle Europa. Il avait été découvert par Galilée à la lunette. Et c'est une grosse boule de billard énorme, recouverte d'une croûte de glace fracturée, on voit au télescope des fractures qui pourraient éventuellement permettre d'accéder à un océan subglaciaire. Et on se dit, dans cet océan subglaciaire, on a de l'eau à l'état liquide, on a une source d'énergie qui est l'énergie interne, la chimie du carbone, la chimie du complexe est partout présente. D'ailleurs, il y a des geysers qui sortent de ces satellites-là, qui ont été récemment observés, et il y a des molécules organiques dans ces geysers-là. Donc, il y a les trois ingrédients. Et on se dit, mais il y a peut-être finalement des Européens dans le système solaire, des bactéries qui ne seraient pas fossiles, mais qui vivraient aujourd'hui. Alors là, ce sera encore bien plus spectaculaire que Mars. Et il y a des missions qui sont programmées dans les prochaines années pour explorer ces corps, ces satellites glacés des planètes gazeuses. Sauf que ces géantes gazeuses qui sont, vous le dites dans votre ouvrage, comme des mini-systèmes solaires dont elles seraient le centre, hein, parce qu'effectivement, gravitent... Oui, on a le gros Jupiter est entouré d'un cortège de satellites, Saturne en a au moins 70. Oui, ce sont des mini-systèmes solaires. Mais alors, pour aller tous les explorer, elles sont beaucoup plus lointaines, et en plus, il y a beaucoup loin, oui, pas beaucoup plus, mais elles sont plus lointaines. Alors c'est effectivement, c'est du côté d'Uranus et Neptune où là, évidemment, on va un petit peu aux confins du système solaire interne, disons, pas le vrai système solaire qui s'étend beaucoup plus loin. Je voudrais dire aussi que on parle pas beaucoup d'une mission extraordinaire de ces dernières années qui a exploré la lointaine Pluton. Voilà. Alors, vous avez peut-être Pluton, vous n'êtes plus considéré comme une vraie planète à part entière, mais c'est quand même une petite planète naine absolument fascinante. Il y a une mission spatiale qui s'appelle New Horizons, qui, après un voyage de 10 ans, en 2014, a fait un survol de Pluton, a pris des clichés extraordinaires, et on s'est aperçu que Pluton, qui est quand même encore extrêmement lointain à 6 milliards de kilomètres, il fait extrêmement froid, il fait moins de 250 degrés dehors, etc. C'est un système absolument fascinant. Vous avez des lacs. Alors, c'est pas des lacs d'eau, évidemment. Vous avez des lacs de méthane, d'ammoniac. Il y a des saisons sur Pluton, puisque l'orbite est elliptique. Les saisons durent un peu longtemps, parce qu'elles durent 50 ans. Il y a 50 ans de printemps, 50 ans d'hiver. C'est-à-dire, une saison, vous avez la température qui augmente de 2-3 degrés. Ça suffit pour faire évaporer un petit peu une partie des lacs de méthane, qui provoquent des nuages. Et après, vous avez des pluies. Donc, vous avez tout un système météorologique, qui n'est pas du tout fondé sur le cycle de l'eau, mais sur le cycle du méthane et de l'ammoniac, mais qui nous permet de comprendre mieux, justement, tout ce système complexe. C'est absolument fascinant. Et la mission a continué son chemin. Là, on est maintenant à 8 milliards de kilomètres du Soleil, et la sonde continue son chemin. Oui. Il y en a plusieurs de ces sondes qui sont parties explorer les géantes gazeuses. Les Voyager, Pioneer, qui initialement ont exploré les planètes proches, elles ont continué leur chemin. Mais alors, elles sont où maintenant? Elles sont sorties alors, les plus du système solaire alors, on ou lit parfois, je consacre une chronique là-dessus. Alors, la NASA nous dit régulièrement, voilà, on a lancé les sondes Pioneer, Voyager, le sort du système solaire. Alors, c'est une question de définition de système solaire. C'est-à-dire que les sondes plus lointaines sont plus de 20 milliards de kilomètres. Donc c'est quand même 4 fois plus loin, effectivement, que les planètes dites lointaines. Hein, voilà. Mais le vrai système solaire, pour moi, c'est le système solaire gravitationnel. C'est-à-dire, c'est le système solaire, sans utiliser de mots compliqués, c'est l'ensemble de tous les corps qui sont liés à la gravité du Soleil, donc qui tournent autour. Donc ils ne se baladent pas comme ça dans l'espace. Et ce vrai système solaire, il va jusqu'à une année-lumière de distance, c'est-à-dire 10 000 milliards de kilomètres, pas 20, mais 10 000. Voilà. Donc ces sondes-là, il leur faudra encore des milliers d'années pour quitter réellement le système solaire. Certaines ont été d'ailleurs dirigées vers l'étoile la plus proche, qui elle n'est pas à 10 000 milliards, mais à 45 000 milliards de kilomètres. Oui. Donc vous n'y est pas encore arrivé. Oui, c'est ça. Vous concluez en disant la NASA n'existera plus et certainement nous non plus. Quand on pourra enfin annoncer que ces sondes ont quitté le système solaire. Ce qui explique qu'elle l'ait annoncé. On ne le saura pas d'ailleurs. Oui. Ce qui explique qu'elle l'ait annoncé avec un peu d'avance. Voilà. Voilà. Tout ce que nous savons de ce qu'il y a au-delà de notre système solaire, au sein de notre galaxie et même au-delà, ce ne sont pas des sondes qui nous l'ont appris en se rendant sur place. Ce sont des télescopes toujours plus performants. Nous avons même eu droit à la première image d'un trou noir l'an dernier. Nous allons en parler avec vous, Jean-Pierre Luminet, dans un instant. En exclusivité et en direct. France Inter. Vous êtes à l'écoute de Radio Cosmos. Daniel Fievé. Seul soleil surplombe tout. Le soleil, seul soleil surplombe. Le soleil me dévore quand vient l'aurore. Il m'appelle. Le soleil sait encore comment faire à présent. La complainte du soleil, Laura Cahen. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Top, décollage. 10h12 précise ce matin, Kourou, le lanceur russe Soyouz propulse Gaïa dans l'espace. Les paramètres sont normaux. Lancement réussi, et voici ce qui va maintenant se passer. Gaïa va se positionner en orbite à 1 500 000 km de la Terre et déployer un bouclier qui le protégera du soleil. Pendant 5 ans, deux télescopes vont observer sans relâche 1 milliard d'objets célestes. Des étoiles, des planètes, des astéroïdes. Gaïa va les détailler, mais surtout prendre des mesures de distance pour dresser la première carte de la galaxie à l'échelle en 3 dimensions. Les systèmes optiques sont impressionnants, avec une définition d'1 milliard de pixels, 100 fois plus précise qu'un appareil photo numérique moderne. À titre de comparaison, Gaïa est capable de détecter un objet d'1 centimètre sur la Lune depuis la Terre, ou encore de détecter le diamètre d'un cheveu à une distance de 1000 kilomètres. Le télescope Gaïa de l'Agence spatiale européenne, télescope au lancement duquel vous avez assisté, Jean-Pierre Luminet, en 2013 depuis la Guyane. C'est un souvenir fort ? Oui, très fort. C'était la première fois que j'assistais à un lancement. C'est toujours très, très impressionnant. Puis derrière, évidemment, il y avait toujours l'enjeu d'envoyer, embarquer des télescopes dans l'espace pour mieux découvrir ce vaste univers. Parce qu'il faut bien rappeler que nous n'avons pas les moyens technologiques, et loin s'en faut, d'envoyer des sondes voyager dans l'espace interstellaire. C'est l'univers à la fois, les vitesses sont trop faibles. Puis surtout, de toute façon, l'espace est tellement gigantesque, tellement immense que même en imaginant des moyens de propulsion futurs, s'approchant même peut-être de la vitesse de la lumière, ce qui reste encore assez utopique sur le plan technologique, logique, mais ça viendra peut-être un jour. Les étoiles, de toute façon, elles restent quasiment inaccessibles. Oui. Voilà. L'étoile la plus proche de nous après le Soleil, elle est déjà hors de portée. Elle est à 4 années-lumière, donc ça fait déjà beaucoup. 4 années-lumière, ça fait 40 000 milliards de kilomètres. Mais alors donc, la façon d'explorer ce cosmos, donc cette fois-ci, c'est plus une exploration active, c'est passivement. On reçoit maintenant les informations qui sont essentiellement le rayonnement électromagnétique, et puis depuis peu, d'autres types d'informations, les neutrinos, le rayonnement gravitationnel. On n'a pas le temps de parler de tout ça. Mais le spatial a permis de développer l'astronomie spatiale, c'est-à-dire d'embarquer des télescopes dans l'espace, qui ont des performances évidemment extraordinaires par rapport aux télescopes au sol, qui sont enfouis sous l'atmosphère et qui sont perturbés par la présence de l'atmosphère. Oui, à tel point que vous dites 90% des informations que l'on a sur le cosmos vient de ces télescopes en orbite. On pense en général aux grands télescopes terrestres, les merveilleux sites au Chili, etc., qui font des performances extraordinaires, mais ils ne captent par exemple dans l'ensemble de toutes les lumières émises, les rayonnements électromagnétiques, comme on les appelle, émises par les astres en général, on ne capte sur Terre qu'une infime fraction, la partie dite visible, optique, et puis le rayonnement radio, mais toutes les autres domaines de longueur d'onde qui nous apprennent tellement de choses sur les autres phénomènes de l'univers, les micro-ondes, l'infrarouge, les rayons X, l'ultraviolet, les rayons gamma, ça n'arrive pas au sol. C'est arrêté par les couches supérieures de l'atmosphère, donc il faut embarquer des télescopes dans l'espace. Et à partir des années 70, on a commencé à embarquer des télescopes dans l'espace, et là, on a découvert un univers, mais encore beaucoup plus intéressant que ce que l'on pensait auparavant, notamment un univers, on appelle parfois l'univers violent, parce que lorsque vous détectez des rayonnements de haute énergie, comme les rayons X ou les rayons gamma, vous vous dites, c'est pas des étoiles normales et tranquilles comme le Soleil qui émettent ça, c'est des étoiles qui explosent, des trous noirs qui se forment, etc. Et donc, on a découvert effectivement un univers encore plus mystérieux et plus fascinant avec tous ces télescopes embarqués dans l'espace. Alors, vous venez de citer le mot trou noir. Vous avez travaillé sur ces trous noirs. C'est une de mes bêtes favorites. Ils sont vraiment, voilà, c'est une de vos bêtes favorites. Ces trous noirs. Expliquez-nous, on les a découverts par la théorie avant vraiment de les observer, ces trous noirs. Oui, mais comme la plupart des choses lointaines de l'univers, c'est ça la puissance de la théorie d'ailleurs. Hein. Les yeux de l'esprit, je dis toujours, les yeux de l'esprit nous permettent d'une certaine façon de sonder l'univers, et après c'est à charge des instruments de rattraper ça et de vérifier ou pas ce que font les yeux de l'esprit. Donc oui, les trous noirs sont une des conséquences incontournables de la théorie d'Einstein, la relativité générale, mais qui a d'abord été assez difficile à admettre. Einstein lui-même n'a jamais accepté lui-même l'existence des trous noirs. Il a fallu attendre les années 1960-70 pour qu'il y ait des embryons, enfin le développement de la théorie pure des trous noirs. Mais après, les astronomes se disaient, mais attendez, la définition d'un trou noir, c'est un objet que l'on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de lumière qui sort. Comment on va faire pour les détecter ? Alors moi, dans ma petite histoire, fin des années 70, je débarque de l'université de Marseille où j'ai fait mes études mathématiques, j'arrive à l'observatoire de Meudon, je commence à m'intéresser évidemment à la relativité générale, les trous noirs, objets encore mystérieux. Je vois bien les astronomes n'y croient pas trop, parce qu'on n'a pas, il y a encore rien de très convaincant. On a des signatures vraiment très lointaines, très indirectes. Je dis, mais tiens, je vais calculer à quoi ça ressemblerait vraiment le jour où on aura peut-être un télescope géant, ou si on voyagera dans l'espace interstellaire pour s'approcher d'un trou noir. Le voir de près, voir son ombre. Mmh. Parce que le trou noir, il a une ombre. C'est-à-dire, sa surface d'un trou noir, c'est une sorte de sphère noire, on voit rien. Il faut qu'il soit entouré de lumière pour qu'on le voit, pour qu'on le détecte indirectement. Voilà. Donc, j'ai écrit les équations et j'ai résolu cette question-là avec les ordinateurs de l'époque et j'ai sorti une image virtuelle. La photographie virtuelle d'un trou noir en 1970. Alors voilà, là on était dans les années, à la fin des années 70, et maintenant, 40 ans plus tard, avril 2019, les médias du monde entier se sont fait l'écho d'une avancée majeure, la première véritable image d'un trou noir. Oui. Ça ressemble beaucoup à ce que vous aviez prévu en 79. Ben, encore heureux, oui. Non, ça veut dire que les équations de la relativité générale sont correctes, et je les avais écrites correctement. Oui, bon, ça a été effectivement une magnifique aventure à laquelle j'ai participé au début, là, théoriquement. Après, je travaillais sur d'autres choses. Hein. Entre-temps, des radios, ce qu'on appelle les radioastronomes, ceux qui sont spécialisés dans l'observation radio de l'univers, avaient décidé en fait de créer un immense réseau de télescopes, de radiotélescopes répartis sur la planète entière, pour les faire fonctionner en réseau, pour avoir l'équivalent d'un télescope unique de très grande taille, grosso modo 10 000 km. Avec un télescope d'une taille de 10 000 km, vous avez ce qu'on appelle une résolution, c'est une finesse de vue très très grande. Et il fallait une finesse de vue incroyable pour avoir l'espoir de détecter l'ombre du trou noir, c'est-à-dire vraiment le trou noir lui-même et ses abords immédiats. Tout ce que l'on avait auparavant, vous savez, on était presque certain que le trou noir existait bel et bien, mais ce n'était que des signatures lointaines et très indirectes. Mm-hmm. On voyait absolument pas du tout les parages. Et donc, grâce à ce réseau qui s'appelle l'Event Horizon Telescope, ils ont pu effectivement, après un travail considérable, accumuler suffisamment de données pour reconstituer point par point. C'est pas une photo directement, oui. Évidemment, c'est une reconstitution extraordinairement complexe de milliards et de milliards de milliards de données d'informations pour voir un trou noir qui est extraordinairement loin, mais il est géant. Donc il est dans une galaxie lointaine qui s'appelle le Messier 87. Et le 10 avril, il y a cette image extraordinaire qui est parue, couronne lumineuse autour d'un gros machin noir au centre. Et la couronne lumineuse, une sorte de croissant, a un côté extrêmement brillant qui correspond à l'effet que j'avais calculé en 79. Mais c'est quoi, au fond, un trou noir? Au fond du trou. Donc le trou noir, c'est une sorte de piège gravitationnel. Voilà, c'est-à-dire c'est une région de l'espace où tellement de matière et d'énergie se sont accumulées que la gravité, la force de gravité, emprisonne. On parle de force de gravité, mais en fait c'est une courbure de l'espace-temps en relative générale. Je veux pas être trop compliqué. Disons, on va dire ça simplement. La force de gravité emprisonne même la lumière. Voilà, donc c'est un objet essentiellement noir. C'est une sorte de puits noir. Si on franchit le bord du puits, on est rapidement inspiré, on ne peut pas ressortir en tout cas du même côté. Voilà. Et donc, ces trous noirs qui paraissaient des objets exotiques et rares, en fait, ils sont assez présents dans l'univers. Il y a des trous noirs dits stellaires, il y en a des millions dans la galaxie. Et au centre de chaque galaxie, il y a un trou noir géant. Et ce sont ces premiers trous noirs géants qui ont été pris en image l'année dernière. Alors, dans votre livre, vous dites, Jean-Pierre Luminet, que le film Interstellar, qui met en scène un trou noir, est assez juste scientifiquement. Dans ce film, Interstellar, les voyageurs de l'espace sont aussi confrontés à des trous de verre. Là, le voilà, c'est le trou de verre, là. Bien entendu, pas la peine de le postillonner, c'est une sphère. Évidemment, tu croyais que ce serait un simple trou? Non, c'est juste que j'ai vu un tas de graphiques et tout, les... Sur les graphiques, ils veulent montrer comment ça marche. D'après eux, si tu veux aller d'ici à là, et que c'est trop loin, alors un trou de verre courbe l'espace comme ça, ce qui te donne un raccourci vers une dimension supérieure. D'accord ? Alors pour l'illustrer, ils ont figuré un espace en trois dimensions, en deux dimensions, ce qui nous donne un trou de verre en deux dimensions. Un cercle. Et c'est quoi un cercle en trois dimensions ? Une sphère. Ouais, tout juste. Un trou sphérique. Mais qui l'a placé là ? Qui doit-on remercier ? En tout cas, moi, je dis merci à personne tant qu'on revient pas en un morceau. Tous prêts à dire au revoir à notre système solaire. À notre galaxie. C'est parti. Alors là, on arrive dans l'hypothétique avec ces trous de verre. Oui. Dites-nous. Les trous de verre sont quand même associés aux trous noirs, donc... C'est vrai que si les astrophysiciens maintenant sont dans leur grande majorité convaincus que les trous noirs existent bel et bien, ils continuent à se demander qu'est-ce qu'il y a dans le trou noir, puisque ce sont des pièges, j'ai dit, donc la matière, l'énergie et la lumière est capturée dans le trou noir. Où est-ce que ça va? Est-ce que ce puits, il a un fond ou pas de fond? Alors, dans les premiers modèles, on pensait que le puits avait un fond et que tout s'accumulait dans le trou noir, ce qui le faisait d'ailleurs grossir au cours du temps. Oui, mais alors on y envoie aussi nos équations, puisqu'on ne peut pas y envoyer, évidemment, un astronaute pour nous raconter ce qui se passe. Donc on y envoie nos équations, puis quand on y envoie nos équations un petit peu sophistiquées, sous les équations de la relativité générale, on s'aperçoit qu'il y a des formes très étonnantes, possibles en tout cas, des formes mathématiques possibles au fond d'un trou noir, et notamment l'une de ces formes, c'est pas du tout un trou noir qui est bouché, mais au contraire, une sorte de tunnel, alors on utilise un peu des mots métaphoriques, qu'on a fini par baptiser trou de verre, verre V-E-R, qui ferait une connexion, en fait, entre le trou noir qui absorberait de la matière et une autre région de l'espace-temps où cette fois-ci, en transitant par ce tunnel, ce trou de verre, on passerait à travers et on ressortirait ailleurs. Alors là, dans l'espace-temps. C'est absolument fascinant. C'est fascinant parce qu'on a un raccourci pour voyager dans l'espace, un raccourci d'espace-temps. Et c'est peut-être la seule possibilité que l'on puisse imaginer dans le futur de voyager enfin dans les astres très lointains. Oui. D'ailleurs, le scénario du film Interstellar, c'était ça. Oui. Ça reste très hypothétique. C'est, un outil formidable pour les auteurs de science-fiction. Oui, Est-ce que ça a une chance? C'est un outil fascinant aussi pour les chercheurs, bien entendu. Mais est-ce que c'est une chance d'exister? Reste à savoir si ça existe, si c'est stable. Si c'est stable, est-ce qu'on peut vraiment les emprunter, les traverser sans être broyé par des quantités de phénomènes bizarres? Donc tout ça, c'est à l'étude. Le rêve, c'est que ça existe et qu'on puisse un jour les emprunter pour voyager. Merci, Jean-Pierre Luminet. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Chronique de l'espace, une coédition Cherche Midi France Inter. Ce sont les textes des chroniques qui nous ont accompagnés tout l'été dans la matinale. Et puis je signale aussi qu'on peut trouver dans les kiosques un hors-série du journal Pour la Science, dont nous sommes partenaires, intitulé Enquête sur l'univers noir, et avec une longue interview. Deux articles, oui. De vous, Jean-Pierre Luminet. Un grand merci à vous et bon merci retour à Marseille. Vous, merci. À venir dans Du vent dans les synapses, le psychiatre David Gourion qui nous dira à quels problèmes sont confrontés les adolescents et comment ils tentent de les aider à les surmonter, parfois en portant à leur connaissance des résultats d'études scientifiques. C'était FKA Twix, Fallen Alien, et la programmation musicale du vent dans les synapses est signée Muriel Pérez. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Attention, le voici, puissant, félin, redoutable, le jeune. Il est 10h, lève-toi. Suivant les moments de la journée, il arbore différentes parures. Ça, dehors. Le repas du soir est un moment d'intense échange. Mais articule. Il est dans un monde qu'il ne comprend pas. Qui est certain n'est pas certain. Et qui ne le comprend pas? Porte. C'est normal. C'est un jeune. Et notre invité s'intéresse avec beaucoup plus de finesse aux tourments des ados. Bonjour David Gourion. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, ancien chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et vous venez de publier avec le dessinateur Museau une bande dessinée intitulée Docteur Feel Good chez Odile Jacob. Alors vous mettez en scène la consultation psy d'un ado. C'est une consultation fictive bien sûr, qui vous permet d'aborder de nombreux thèmes. Les écrans, le cannabis, l'alcool, l'identité sexuelle, le harcèlement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et puis sous cette forme ? Je souris en entendant votre petit document audio. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. C'est une publicité qui date de 2002, pour être exact, ce petit document. Très bon, très bon. Ben, l'idée, c'était finalement, on voulait s'adresser aux adolescents, faire un livre. Alors certains sont des grands lecteurs, hein, je veux pas, mais beaucoup, ça leur tombe des mains assez rapidement. Donc moi j'avais déjà écrit des trucs sur les adolescents, sur la fragilité psychique des jeunes adultes, et en fait c'est les parents qui lisaient. Et on voulait réussir à les toucher, à leur parler à eux directement. Et donc on s'est dit que l'outil bande dessinée pouvait être un média intéressant pour les atteindre directement. Alors les ados qui viennent vous voir sont souvent là à la demande de leurs parents. Hein. C'est pas eux qui font la démarche de venir vous voir. C'est rarement eux. C'est rarement. Le plus souvent, c'est les parents. Et d'ailleurs, la consultation de ce bon docteur Feelgood commence comme ça, justement, l'adolescent. Et là, sur le mode, bon, je suis là pour faire plaisir à ma mère. C'est plutôt elle qui a des soucis. Et dans la représentation de beaucoup d'adolescents, les psys, c'est quand même pour les fous. Donc, vous voulez aussi casser un peu toutes ces représentations très effrayantes du psy et montrer un psy un peu en décalage avec les stéréotypes habituels. Et dans la vraie vie, hein, hors de la bande dessinée, comment vous vous y prenez pour établir un climat de confiance, justement, quand un adolescent vous est adressé, arrive en traînant les pieds, n'a pas forcément envie de se confier à un adulte dont il se méfie? Comment vous faites pour briser la glace, pour installer un climat de confiance? Je vais surtout pas commencer par parler des problèmes ou d'éventuels symptômes, parce que je pense que ça ne marche que s'il y a un lien de confiance. Et gagner la confiance d'un adolescent en relativement peu de temps, c'est pas un truc si facile que ça. L'humour peut fonctionner, mais pas toujours. J'essaye de comprendre qui j'ai en face de moi. J'essaye de connaître sa vie, de connaître ses centres d'intérêt, de savoir ce qui se passe un peu dans son environnement, de connaître son histoire. Alors que si je mets d'emblée le focus sur la situation problématique ou le motif de consultation tel qu'il est évoqué, qui est parfois d'ailleurs que la pointe émergée de l'iceberg par les parents ou autres, d'une certaine façon, ça fait un focus dont on a du mal à sortir après. Et quels sont justement les principaux motifs de consultation? Pourquoi on vous confie son ado? Les motifs de consultation évoqués par les parents, le plus souvent, sont les difficultés scolaires, les problèmes de tension, de disputes, de problèmes de communication, de comportement décrits comme difficiles ou désagréables, et les problèmes d'addiction. On va dire c'est les trois principaux motifs de consultation. Mais je redis, c'est souvent la pointe émergée de l'iceberg. Et puis parfois, on va se rendre compte que derrière un décrochage scolaire, en réalité, il y a une vraie dépression, il y a une vraie situation de harcèlement, une vraie problématique d'identité sexuelle ou que sais-je encore. Et alors, dans votre ouvrage, vous mêlez assez habilement conseils pratiques, vraiment, comment faire, alors parfois pour des choses plus légères, comment se désintoxiquer de son écran auquel on est addict, par exemple. Et vous appuyez ces conseils sur des études scientifique. Vous expliquez, alors je ne sais pas si c'est effectivement comme ça que vous procédez en consultation avec les ados que vous recevez, mais vous leur expliquez comment fonctionne leur cerveau et pourquoi ils éprouvent une telle dépendance devant ces écrans. Mais oui, mais ça marche vachement mieux quand on les prend pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des personnes intelligentes. Donc je leur montre des diagrammes, des études, des PowerPoint, des choses comme ça. Ça les intéresse énormément. Et alors qu'est-ce qu'il y a à dire, par exemple? Et ça sort de cette position un peu condescendante, paternaliste. Ouais. Finalement, moi aussi, je peux avoir des problèmes d'addiction avec mon portable. Donc j'essaye d'être très honnête et puis de montrer des études. Parce que finalement, les données, c'est ce qui parle le plus. Ouais. Et alors en l'occurrence, est-ce que déjà, on peut vraiment parler d'addiction avec les écrans de portable? Alors, chez certains adolescents et même adultes, on peut vraiment parler d'addiction. C'est-à-dire que moi, je vois des ados qui peuvent passer pour certains 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour sur en particulier des jeux en ligne, et c'est plus un plaisir, c'est au détriment de tout le reste, c'est au détriment de leur scolarité, c'est au détriment de leur vie sociale, etc. Donc l'étymologie du mot addiction, c'est esclave. À partir du moment où ça n'est plus un plaisir, mais ça devient je suis l'esclave de cette situation-là, il y a de la souffrance. Et donc oui, ça peut être une pathologie, bien sûr. Et vous expliquez que déjà au niveau du cerveau, hein, ça déclenche la sécrétion de dopamine, donc que ça génère du plaisir. Donc c'est pour ça qu'on y revient à ces écrans. Vous dites aussi que la couleur y est pour beaucoup, à tel point que vous proposez cette solution de mettre son portable en noir et blanc. Et déjà, c'est une bonne façon de s'en défaire. C'est absolument, c'est pas du tout moi qui ai inventé cette stratégie, ce sont les gens de la Silicon Valley. Vous savez, les gens de la Silicon Valley, ils donnent pas d'iPad à leurs enfants, ils les envoient dans des écoles privées où c'est tableau crêpe, parce qu'ils savent que cognitivement c'est important. Et ils font ce qui est très à la mode là-bas, c'est les dopamine fasting, ils font des cures de sevrage de dopamine. L'idée, c'est finalement, notre cerveau a besoin de récompense en permanence. Les smartphones, c'est un truc ultra récompensant parce que ça sonne, parce qu'on a des rappels, parce qu'on a de l'information en temps réel, parce qu'on crée du lien social, parce que c'est hyper coloré, les écrans sont magnifiques. Et donc l'idée, c'est de rendre ça un tout petit peu moins attrayant, un tout petit peu moins chatoyant pour que notre cerveau s'intéresse aussi un peu à d'autres choses. Alors vous abordez des problèmes d'addiction peut-être plus inquiétants pour les parents avec l'alcool, avec le cannabis. Sur le cannabis, vous n'êtes pas tendre, mais vous semblez particulièrement énervé au sujet de l'alcool et sur le fait que l'on ne fait pas de prévention comme il faudrait avec les jeunes et l'alcool. Je pense qu'en France, on a une position qui est d'une ambivalence incroyable. C'est-à-dire que même sur la question du dry January, du mois de janvier, même le gouvernement n'a pas voulu. On peut pas dire d'un côté, les problèmes d'alcool, c'est l'une des pathologies qui, en termes de santé publique, de coûts sociaux et économiques pour la société au premier plan, et de l'autre côté, ne pas prendre des mesures, voire même tordre et découdre des lois qui étaient plus protectrices. Donc il y a une ambivalence et un poids des lobbies, et je suis loin d'être le seul à le dire, qui est quand même considérable et problématique. Quant au cannabis, la France est en tête championne du peloton des pays européens sur la consommation, pas uniquement parce qu'on est un pays plaque tournante entre les différents, il y a un vrai problème, et je pense qu'il y a un vrai déficit aussi de stratégie de prévention et de santé publique. On n'est vraiment pas bon là-dedans. On parle de pas mal de choses, on parle de la dépression, on parle du suicide. Qu'est-ce qu'on fait en France pour prévenir ça? Enfin, si je compare aux Anglais, aux Suédois, etc., on est franchement très très très mauvais. Alors, dans votre livre, l'ado est quand même très réceptif et très à l'écoute de tout ce que vous avez à lui dire parfois. Il vous taquine un peu, mais enfin, il est quand même très à l'écoute. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans les consultations? Ça dépend. Il y en a qui sont vraiment extrêmement ouverts et tout à fait agréables et charmants. D'autres qui sont muets comme des carpes. Et je leur dis, écoute, c'est pas très grave parce que moi, je peux être très bavard aussi, donc on va commencer comme ça. Et puis, voilà, donc je veux dire, c'est quand même une situation très atypique, aller même pour un adulte. Aller voir un psychiatre et raconter à un inconnu des choses hyper intimes que vous ne racontez peut-être même pas à la personne avec qui vous vivez, c'est quand même super compliqué. Donc on les met dans une situation qui est une situation bizarre, mais en général, les choses se détendent rapidement. Pour terminer, dans quel cas faut-il conseiller à un ado de voir un psy? Moi, j'aurais tendance à penser en fait qu'on devrait proposer une consultation psy de dépistage et de prévention à tous les adolescents, comme on dépiste pour tous les adolescents les problèmes de vue, d'oreille ou de dents. Je pense que ça aurait du sens, parce que les pathologies psychologiques, psychiatriques, les addictions sont extrêmement fréquentes, et que plus la prévention est précoce, plus on évite le développement de pathologies ou d'addictions plus tard. Après, en effet, si votre ado est en difficulté, présente des changements, ne mettez pas tout sur le dos de la fameuse crise d'adolescence. C'est pas parce qu'on est en adolescence qu'on devrait souffrir. Il y a des adolescents très très heureux. Donc si vous voyez que votre adolescent ne va pas bien, sans trop dramatiser, banalisez pas trop non plus et n'hésitez pas à le faire consulter. Ça, c'est un aspect intéressant. Vous dites qu'il y a certains traits de l'adolescence, par exemple la prise de risque. Là aussi, c'est lié au fonctionnement de notre cerveau. Jusqu'à 30 ans, on a tendance à prendre plus de risques, on est moins inhibé face au danger. Mais par contre, le mal-être persistant, ça n'a rien d'un passage obligé, et un ado qui ne va pas bien et pendant longtemps, ça doit alerter. Absolument. Le fait d'être jeune ne protège pas de la souffrance psychique. C'est pas parce qu'on est à l'âge d'or qu'on ne souffre pas. Et puis, comme premier pas, on peut lire Docteur Feelgood, c'est avant tout pour les ados, mais les parents aussi, on peut leur conseiller de le lire, ils y trouveront leur compte. C'est paru chez Odile Jacob. Un grand merci à vous, David Gourion, et les dessins sont signés Museau. Je vous remercie beaucoup.